avait appris au sein de son histoire. Toujours elle attend dans le noir, se berçant de mensonges illusoires. Qu'importe si les jours s'enlisent dans l'abandon à la providence, malgré la solitude qui la brise, toujours elle se noie d'espérance. La peine qui coule dans